بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. دروس اللغة العربية. تمد مدينة أبو يوسف عبد الله العاجي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثارهم واكتفى. Donc on a pu voir hier, parmi les leçons du cours, c'est le quoi ? Al Badal. On avait dit le Badal, il y en a en français, il y en a si tu veux le traduire, le remplaçant. C'est celui qui a la viabilité de pouvoir remplacer une chose. Qui prend, il y en a la place de ce qui l'a précédé. De ce qui l'a précédé. Comme on avait dit avec Mohammed, c'était quoi le truc ? Nabiyuna Muhammadun, Rasulullah, c'est ça ? Tu peux dire Nabiyuna Rasulullah. Le fait qu'il a ramené le Muhammad, ça c'est un remplaçant, un badal, comme on a pu le voir. On avait dit comment on fait pour reconnaître un badal. On avait dit le badal c'est quoi? C'est celui qui est visé dans le jugement, c'est celui qui est voulu dans le jugement. Muhammad, c'est qui ton prophète? Muhammad. Le jugement il tombe sur qui? Sur Muhammad. C'est sur lui qu'il est porté le jugement. Il est maqsoud, comme ils disent, maqsoud bil hukm, il est voulu dans le jugement. Mais comme on a pu le voir, si on commence à le différencier avec le na't, c'est que le na't il n'est pas voulu dans le jugement. Quand tu dis tuffah ou fakihatun latiza, ce qui est voulu dans le jugement, c'est pas latiza, c'est tuffah. Donc ça peut pas être latiza, ça peut pas être un badal, abadan. Wa kadhalika, comme on a dit, nabiyuna Muhammadun Rasulullah, Muhammadun ici il est voulu, il est jugé. Ou plutôt il est jugé, comme quoi qu'il est notre prophète. Il est notre prophète. Il est visé dans le jugement. Mais l'autre, il n'est pas visé dans le jugement. Ça, c'est les. Et le bedel, il remplace ce qu'il y a avant. Tu peux le remplacer. Alors, si jamais tu le mets, tu vas voir ce qu'il a précédé, tu peux l'enlever. Voilà, parce que. Mais l'autre, si jamais tu l'enlèves, tu verras qu'il y aura un problème. Tu vois. At-tuffahu fakihatun. Tu peux dire ça. Là, tu es venu pour apporter le sens de quoi ? De la ziza. On a pu voir aussi qu'à Zaleka, ay. Ay. Maintenant, tu veux dire. On avait dit que c'était pour désigner une chose, les ta'yin. Tu sais, Yanni, une chose mais laquelle tu veux désigner. Pour savoir précisément où aller ou bien il a créé. Maintenant, je veux dire Ayyu shahrin hadha. Ayyu shahrin hadha. Ok, dans le cas, Ayyu yuhuma daradda. Yanni, l'un, tu veux ta'yin. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui a été tapé, lequel des deux. On avait dit sa place dans l'arabe en fonction de la phrase dans laquelle il est rentré. S'il est entré dans une phrase nominale, il sera quoi? Un khabar. S'il est entré dans une phrase verbale, ce sera quoi? Un maf'oul bihi. Ce sera un maf'oul bihi. Ou bien, ce sera un maf'oul. Tu dis comme ça, ce sera un maf'oul. Et on avait dit, kadhalika, que ce qui vient après ay, yulazimash al-idafa. C'est-à-dire, ce qui vient après, ramudaf, mudaf, ilayhi. Ayyu shahrin hadha. On a dit, ayyu shahrin hadha. Comme on avait dit, kadhalika, dans l'exercice, fi ayyi shari'in baytukum. Dans quelle rue se trouve votre maison? Shari'in. في أي il a pas dit في أي شارع في أي شارع هذا يدل على ش que يعني entre les deux il y a une annexion comme c'est le cas avec tahta avec tout ce qu'on a pu voir. On a pu voir aussi qu'à dans les cas les noms qui sont pas arabes ils prennent pas de tanwin à partir du moment ش qui sont plus de trois lettres comme William comme Ibrahim comme Ismaïl comme les noms qu'il a écrit là Baris, Pakistan, Istanbul, tous ces noms-là, c'est des noms qui ne sont pas arabes. Mais ils ont plus de 3 lettres, et c'est des noms propres. Donc ils ne prennent pas de tanwin. Tu ne dis pas Ishaqun, ni Ibrahimun, abadan. On va aller vite faire le vocabulaire, et ensuite on va faire quelques exercices à l'oral. Il dit Al-Kalimatul Jadida, donc le nouveau mot, les nouveaux mots. Il a dit Al-Hafid, il dit Al-Hafid, donc c'est le petit-fils. Al-Hafid, il dit Ibn al-Ibn. C'est le fils du fils, ça se dit pas? C'est le petit-fils chez nous en France, on dit. Le petit-fils. Le père, ou plutôt le petit-fils, le père, le grand-père. Qala au Ibn al-Bint. Wal-Jam, c'est quoi? Hafada. Le Jam de Hafid, c'est Hafada. Petit-fils des petits-fils. Hafada. Hafada. Hafada. Hafadatun, c'est le Jam de Al-Hafid. Hafid. Le petit-fils. Al-Kulliya, on a pu le voir, c'est la faculté. La faculté. Al-Kulliya ou Al-Kulliyat, c'est quoi? C'est son pluriel. Et on a pu voir, ça c'est un pluriel quoi? Takthir ou Salim. Kulliyat, c'est Takthir ou Salim? C'est quoi comme Jam? Kulliyat. Kulliyat, c'est Jam, Takthir ou Salim? Kulliyat. Salim, Salim. Pourquoi? Parce que son sa base n'a pas changé. Son, comment on dit, le pluriel, le singulier, son singulier, non, l'infinitif c'est plus pour les verbes. Là, son singulier, il est quoi? Il est saint, c'est-à-dire dans le pluriel. On n'a pas touché ni une harakat et ni un mot, ni une harf, ni une lettre. On a jeté quoi? Le alif et le ta. Donc c'est jam' yani salim. Qala kulliyatu shari'a, c'est quoi? La faculté de législation en islamique. Al-Sharia. Kulliyatu Al-Sharia. Qala kulliyatu Al-Tijara. C'est quoi? C'est la faculté du commerce. Qala Al-Akh. Al-Tijara. Al-Tijara. Al-Tijara. Kulliyatu Al-Tijara. C'est la faculté de commerce. Al-Akh, c'est le frère. Son pluriel, il y en a deux. Ikhwa wa ikhwan. Ikhwatun wa ikhwan. Tu peux dire les deux. Ahlan wa sahlan wa marhaba, ça c'est une formule de bienvenue. Ahlan wa sahlan wa marhaba, c'est une formule qui est utilisée pour souhaiter la bienvenue aux gens. Nasrani. Nasara, ma'rouf. Nasrani, c'est le chrétien. Nasara, c'est son pluriel. Qala kulliyatu tib. La faculté de médecine. Tib, c'est médecine. Kulliyatu handasa. La faculté d'ingénierie. Al-mahkama. Le tribunal. Al-yunan. C'est la Grèce. C'est la Grèce. C'est le pays. La Grèce. Al-balad. C'est le pays ouvert. Comment tu as le balad? La contrée. Ou à son pluriel? Biladun. Biladun. Donc, ça, c'est le vocabulaire qu'il y avait dans l'exercice numéro 14. Faites l'exercice numéro 6, là, le dernier. Iqra al-mithal thumma hawwil al-jumal al-atiyata mithlah. Il dit, lis l'exemple. Et ensuite, fais la même chose, il y en a qui est évoqué dans l'exemple, c'est-à-dire de mettre du singulier au pluriel pour dire, tu as fait un truc comme ça, vous avez fait. Donc, il y en a le mithal, anta dhahabta ila al-madrasa, tu diras, antum dhahabtum ila al-madrasa. Donc, vas-y, avec kharajta, anta, تمام لا دوزيام انت جلست في الفصل تقول الفصل الفصل لا كلاس الفصل لا في الفصل باسكو سي بلوزور كومبارتيمون الفصل سي سو كي ديستان تو وازي بعدين دونك او بيغاس هدرها كوا ذهبت انتم أنتم جلستم أنتم جلستم في الفصل هذه ذهبتم بعضها أين ذهبت أين ذهبت يا أخي أين ذهبتم يا إخواني أو تبدي يا إخوتي يا إخوتي تمام on a comme un peu voir dans le vocabulaire إخوة si ça se dit mais en fait là comme t'as fait une annexion pour dire mes frères vas-y fais la dernière لماذا لماذا خرجتم Ah, je parle de quelqu'un. Je parle d'une seule personne. Ouais, mais là, je te mets au pluriel, là. Non, mais lis avant le singulier, après le pluriel. Limada kharajta min fasli ya waladou. Ça veut dire quoi ? Pourquoi t'es sorti de la classe petit ? Mon enfant. Oh, ya. Yeah. Oh, l'enfant. Oh, enfant. Vas-y. Limada kharajta min fasli. Minal. Minal fasli ya waladou. Comme on a pu le voir, Aulad, on a, avec le Ya, s'il y rentre, il sera quoi ? Pourquoi pas t'allumer ? Ça va ? On a pu faire Ammakoum, Nouratoukoum, on a fait ça. مع تحية دماج.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين